kana la banda kene na jakala kele le ko ayo mega o keno ba kana na ba ne bo ko mo se we do ma me kende la ina bono wala ko lele le la ngona jaka bambo lo ma lo samba ma bala no se dare la ina asala mo ba na go ko ma kana mo to le vungu jakala kele le ko ayo mega o dede jakala senga senga bo nya mo la mbeta mama dede wede de mama sire de gawo wele onde ko hadi we mama jera jembe de demi te ko lele la no je doni dede la ta ko mo di ba di mana baba dula oya memba ta ka sole le na mo de wa la lo se njo kamba we o se vensi so ba se na se na lo lo sa sa na sa tu we mama ka di me na ba we le mi di mi jera jembe no lo ko mo de ke ya tu papa wonya wala metoronge mama sire do no mole hello yakala la kombeke ana mama le na monda ngoloto ya memba cha kanyuna do de ngonyi dambie kanda mabere midimi la kase na senga made do mbeta o dede konga wade ka songo yo no golanke le le na mama tina mekede la ina kote mole le le mama jera de hoke dede na kata tulo sima wa shoe no kina anyo mela nyangoli disi awo nyago de toni ma mama oyo no gola ke ma go su mo me da mama na o se disi a oyo no gola la lo ngale hello ko na ona be toronge kase mayo ndela Anyo mela nyangoli disi ala wela kandonga Oyo nongo la kema kangomo Lena moda ngola kote mebo na baka songo Weka tobi chaka kote mbele jeleno Wanya wala mbetoronge Oye kema koche la kongo Akambo wapama ikela malanga ndelele Toko senga senga umbeta o Maika tango yolo majamba di mana papa dula melona la metolo ngokote kolele lo la wati na tanda tu bola ngola ke magosu je suis noa la gomara gina la metolo ngo oyo ngola ke mago anjime bola ngola ke magosu kosungu la malanga ndelele landa londa ngola kote mbolele lo mama liti se ala kele ko eto Kaso mbosungo ne mbowe kwa mimiye Wada tishiko yombeta oka Maike kaso Mbosungo di mena la topu taka foso we Loma mbaba japu toka simule Vanessa kaso Oyo mbeta oka se kaso mo Mbosungo wakuto sewe do mame kende Ukana wase kalo wato yombeta onkembe Ukana wasore mbokande Jamba di kunju oke E awo shako nongo tumba Mame shuka menandone Oye na kangola kaka ngokonda ngowa shono tona kadede Kerane kasono, okoso Mama keye sando mendela lango pakawe kana lomba Kofato lango ate di kambo de tande kelembe Espetare na kanda ngodina Ma oche che zambo beta oka Mama Oche che zambi wana wanjo kambawe Hello mama tina jedo Oche che zambi wana wanjo kambawe Jakala kelele ko ayo kokona Mama kolo ano Oya meta oke mbako wanji Loko bela ki ale torongo Otolo na ngo wale di konda ko wadi mi ya dakinda Oni kisho ngale mba jogu konja to mendeke Loko melo narambe torongo Mama kala nga uombe ta onke mbeno Mama kadi meno uombe ta onke Mamona Brenda Kasongo Wa mama kanda yenda